par désespère, ces valses irrégulières, pas assez d'extase, sous l'emprise viciée de l'air, les jours sans gravité, hantent toutes mes prières, plier la trajectoire. D'un silence si hagard.